Toujours à l'occasion du 52e anniversaire de l'intégration du camarade Kim Jong-il au comité central du Parti du Travail de Corée et du 16e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune Nord-Sud du 15 juin, les rassemblements ont eu lieu en Bulgarie, en Allemagne, au Danemark et au Venezuela et le séminaire en Finlande. Y ont préparé les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes. Aux cérémonies tenues au Danemark et en Finlande, on a adopté les messages de félicitations à l'adresse du camarade Kim Jong-un.